Laissez dormir mon cœur d'Adèle Toussaint, enregistré pour LibriVox.org. Laissez dormir mon cœur, le voilà qui repose, meurtri, saignant encore, il n'a que trop souffert. Après s'être lui-même en holocauste offert, il demande au sommeil l'oubli de toutes choses. Voulez-vous l'éveiller pour une autre douleur? Si vous m'êtes ami, laissez dormir mon cœur. Laissez dormir mon cœur, en cette triste vie, méconnu, sous l'outrage, il a parfois saigné. Il est encore, hélas, de larmes imprégnées, pas une fibre en lui qui n'ait été meurtrie. Son réveil fut toujours marqué par la douleur. Laissez, si vous m'aimez, laissez dormir mon cœur. Laissez dormir mon cœur, lorsqu'il s'est senti vivre, c'est pour avoir toujours souffert ou fait souffrir. Fatal est son amour, et vous devez le fuir. À sa coupe, malheur, malheur à qui s'enivre. Il n'y pourra jamais boire que la douleur. Laissez, je vous le dis, laissez dormir mon cœur. Laissez dormir mon cœur, à cette léthargie, je l'ai depuis longtemps condamné sans retour. Si jamais il voulait essayer à son tour de demander aussi sa part dans cette vie, à sa voix répondrait un long cri de douleur. Laissez donc par pitié, laissez dormir mon cœur. Laissez dormir mon cœur, bercé par de doux songes, rien n'approche ici-bas de ce qu'il a rêvé. Aussi elle seule doit finir son rêve inachevé. De quoi lui parlez-vous? Amour, bonheur, mensonge? Il n'est rien de réel ici que la douleur. À jamais je le veux. Dors, ô mon pauvre cœur. Fin du poème, enregistré par Ezoa en Belgique en juillet 2013.